Oshokun la tend si belle. Yuan des Han, l'un des derniers empereurs de la noble lignée des Han, avait tant de femmes qu'il n'en connaissait pas le nombre exact. La tradition exigeait que chaque année, les hauts dignitaires de la cour lui offrissent les plus belles de leurs filles. Et chaque année, murmures des jets d'eau, bruissements de soie, confidences échangées à l'ombre des éventails, s'accroissait le nombre des épouses dans le gynécée. Or, en ce temps-là, se présenta à la cour une ambassade du pays des Huns. La guerre s'était longtemps prolongée entre cette contrée sauvage et l'Empire. Yuan, prince sage, désirait la paix. Il reçut les barbares avec courtoisie et mille civilités. Il décida enfin de leur offrir un présent qui les comblerait. Mais lequel ? Ces gens grossiers n'aimaient ni les porcelaines fines, ni les coffrets laqués, ni le jade, ni les soieries aux tons délicats. « Sire, dit le premier ministre, me permettez-vous une suggestion ? » L'empereur acquiesça. « Offrons au roi barbare l'une de vos femmes. » « Oh ! » se récria la foule des courtisans indignés. « Sire, c'est le seul présent qui scellera définitivement la paix entre nos deux pays. » « Soit, dit l'empereur. Votre majesté voudra certainement désigner celle de ces femmes qui a le moins d'attrait. C'est encore trop d'honneur pour ces barbares. » Qu'il en soit ainsi, dit l'empereur, j'ordonne que les peintres de la cour fassent le portrait de toutes mes femmes. Je choisirai celle qui devra partir dans les contrées lointaines. La nouvelle courut comme un feu de paille dans le gynécée. Les peintres de la cour venaient faire le portrait de toutes les femmes. La moins belle, la moins désirable, partirait en exil dans les contrées lointaines. Aucune ne voulait s'en aller dans ce pays sauvage et servir de jouet à un roi barbare. Toutes entreprirent de gagner à leur cause les peintres de la cour et s'efforcèrent de paraître à leur avantage. Elles soignèrent à l'infini leur visage, n'épargnant ni les onguents ni les fards, lissant leurs cheveux, se parant de bijoux. Elles rivalisèrent en flatterie, en sourire, en mignardise auprès des peintres de la cour. Toutes relevèrent leurs joues et leurs fronts de poudre d'or, toutes, sauf une.